mais jamais vaincu, abattu, mais pas déçu. Parfois, je me sentais seul, mais je crois qu'un changement aura lieu. J'ai eu des combats et des déceptions. Certaines fois, je ne comprends rien. Certains de mes amis m'ont abandonné. Mais j'ai la foi qu'un changement aura lieu. Tout change pour moi. Tout change pour moi. Tout change pour moi. Un changement aura lieu. Tout change pour moi. Tout change pour moi. Tout change pour moi. Oh, oh, oh. Yeah. Je peux voir un nouveau jour se lever. Mon Dieu, le changement. Si seulement tu gardes la foi. Non, ce n'est pas la paix. Je le sais, un changement aura lieu. Ce ne sera pas toujours pareil. Il rendra toutes choses parfaites pour toi. Et bientôt, très bientôt, tout ira pour le mieux. Bientôt, très bientôt, tout ira pour le mieux. Un changement aura lieu. Non, ce ne sera pas toujours pareil. Oh, il rendra toutes choses parfaites pour toi. Et bientôt, très bientôt, tout ira pour le mieux. Changement aura lieu. Tout change pour moi. Tout change pour moi. Tout change pour moi. Un changement aura lieu. Tout change pour toi. Tout change pour toi, et yeah, tout change pour toi. Un changement aura lieu. Tout change pour moi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tout change pour moi. Tout change pour moi. Un changement. Tu changes pour moi. Tu changes pour moi. Oh, tu changes pour moi. Oh, oh, oh. Un changement aura lieu. Un changement aura lieu. Un changement aura lieu. un changement aura lieu. Un changement aura lieu. Un changement aura lieu. Ce ne sera pas toujours pareil. Il rendra toutes choses parfaites pour toi. Et bientôt, très bientôt, tout ira pour le mieux. Un changement aura lieu. Alléluia. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Est-ce qu'on peut chanter? Tout change pour moi. Vous pouvez nous aider à chanter? Je peux te dire que l'année finie. Peut-être que tu n'as pas pu accomplir certaines choses. Alléluia. Mais une nouvelle année arrive. Alléluia. Et tout va changer pour toi. Alléluia. Et ce matin, je veux que tu confesses alors que la sœur nous aide à chanter. Allez. Tout change pour moi. Tout change pour moi. Tout change pour moi. Un changement a lieu. Tout change pour moi. Tout change pour moi. Tout change pour moi. Tout change pour moi. Tout change pour moi. Tout change pour moi. Un changement aura lieu. Tout change pour moi. Oh, tout change pour Est-ce moi. Est-ce que tu peux confesser ce matin? Et tout change pour moi. Changement. Oh, tout change pour moi. Tout change pour oh, moi. Tout change au nom de Jésus. Moi. Tout change pour moi. Tout change pour moi. Un changement. Oh, oh, oh. Dernière fois, tout change pour moi. Yeah, tout change pour moi. Tout change pour moi. Tout change pour moi. Changement aura lieu. Ferme les yeux, dis merci. Que tout change pour toi. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle à changer ta vie. Il est fidèle à exaucer ta prière. Il est fidèle à le faire. Il est fidèle à le faire. L'année qui vient, l'espoir n'est pas perdu. Nous avons toujours l'espoir par le que le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est fidèle. Oh Seigneur, merci ce matin pour ce dernier dimanche de l'année, Seigneur. Tu nous as fait grâce d'être ici, Seigneur. Et nous te disons merci. Et nous confessons, Seigneur, que tu vas exaucer, tu vas faire, tu vas changer. Tu vas bénir, Seigneur. Seigneur, merci ce matin. Merci, Seigneur. Et nous prions une fois, Seigneur, bénis-nous par cette parole que tu as préparée pour nous ce matin, pour ce dimanche, le dernier dimanche, Seigneur. Merci que cette parole vienne avec puissance pour nous bénir, Seigneur. Seigneur, merci. Merci. Nous sommes reconnaissants. Te disons merci, Seigneur, au nom de Jésus. Et tout le monde dise amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que vous êtes content d'être là? À l'église, le dernier dimanche de l'année 2015. Alléluia. Lorsqu'on a commencé, on pensait qu'on n'allait pas finir l'année. Ou bien? Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Amen. Et nous sommes reconnaissants. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous rappeler encore de ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Et puis lui dire merci. Alléluia. C'est bon, non? Je pense que on a beaucoup demandé. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais ce matin, on va dire, Seigneur, merci. Alléluia. Parce qu'il a donné. Il a donné. Alléluia. Si tu es, cela veut dire qu'il a donné. Si tu n'as rien, tu as la vie. Alléluia. Wow. Ce matin, j'ai un petit message de 15 minutes. Il dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci. Wow. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, verset 1. Peut-être qu'on va lire tout le chapitre. C'est beaucoup. Deutéronome, chapitre 8, verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier, de t'éprouver et de savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Verset 3, il t'a humilié, t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne et que tu ne connaissais pas, et que tu n'avais pas connu tes pères. Ok, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 4, you know, Le diable a donné le pain, a dit à Jésus, est-ce que tu peux transformer les pierres en pain pour que tu manges, parce que Jésus avait faim. Alléluia. Et Jésus a rappelé le diable de ce verset. Vous vous rappelez, non? Il a dit au diable quoi? Que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Yeah. Verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur, ok, que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un pays, dans un bon pays, pays de cours d'eau et de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de gras grenadiers. Pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manquerais de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Okay. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois et que tu et que je prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et que tu as fait jaillir, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il l'a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Wow! Alléluia! Que l'Éternel ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Alléluia! Yeah. Garde-toi de dire dans ton cœur, souviens-toi. Hein? C'est l'Éternel qui te donne la force d'avoir de l'argent et de l'or. Alléluia! Ce matin, tu veux dire merci Seigneur. Alléluia! Amen. Est-ce que ça va? Yeah. Yeah. Yeah. Ceux qui ne disent pas merci. Hein? Normalement, on trouve bien quatre problèmes. Bien quatre maladies. Allez, vous connaissez, vous les connaissez les maladies? Bien quatre problèmes. Hein? Le premier problème, c'est quel problème? Problème d'oubli. C'est une maladie. Oublier. Ceux qui ne disent pas merci parce qu'ils ont oublié. Ils ont oublié. Tu as oublié. Hein? Tu as oublié ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Et donc ce matin, juste pour nous aider à avoir un cœur reconnaissant. Un cœur qui dit merci. Qui reconnaît. Qui se rappelle de ce que le Seigneur a fait, de ce que les autres ont fait pour toi, ce que les parents ont fait pour toi, ce que ta tante ou ton oncle a fait, ce que ta grand-sœur, certains disent, c'est ton frère qui t'a envoyé ici, ta sœur qui t'a envoyé ici. Yeah. Avoir un cœur qui n'oublie pas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Un cœur qui n'oublie pas. Tu as oublié. C'est pourquoi tu ne dis pas merci. C'est une maladie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans le verset, on a lu, garde-toi de ne pas oublier. Là, il y a beaucoup de oubli. Hein? De verset 1 jusqu'à verset 18, il y a combien d'oubli, de ne pas oublier? Vous avez compté. Yeah. De ne pas oublier. Alléluia. Amen. Yeah, ça, c'est la première maladie. Deuxième maladie, la déception. Yeah. Ou bien on est déçu. C'est déçu? C'est la même chose? Bien sûr. En anglais, c'est déçu. Hein? Être trompé. Yeah. Être trompé. Hein? Tu te trompes. Hein? Tu te trompes. Tu t'es trompé. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est toi qui as fait. Ta force, ton intelligence, ta beauté. Yeah. Tu es trompé que c'est ta beauté. Tu es trompé que oh, c'est ma famille. Madame, ma famille, nous sommes riches. Ma famille, nous sommes beaux. Dans la famille, nous réussissons, nous sommes intelligents. Là, tu es trompé. Alléluia. Amen. C'est une maladie. Il dit quoi? Verset 17. On va lire verset 17. Verset 17. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Alléluia. Yeah. C'est pas ta force, c'est Dieu. Alléluia. Yeah. C'est pas ton intelligence, c'est Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Yeah. Yeah. Wow. Et la troisième maladie, bien le troisième problème, c'est quoi? Le premier problème, c'est quoi? L'oubli. Deuxième, déception, bien tempérée. Troisième, c'est quoi? Troisième, c'est l'orgueil. Yeah, c'est l'orgueil. Hallelujah. C'est l'orgueil. Amen. C'est l'orgueil qui fait que tu ne dis pas merci. Yeah. C'est l'orgueil. Alléluia. Et puis, quatrième maladie, c'est quoi? La rébellion. Yeah. Lorsque tu ne dis pas merci, c'est que tu rébelles contre Dieu. Hein? Tu rébelles, c'est une rébellion. Alléluia. Donc, ce matin, c'est pour vous amener, hein, à changer votre cœur. Bien vous rappeler, à vous aider à avoir un cœur qui dit merci. Alléluia. Et la plupart des temps, les choses les plus importantes, hein, sont les choses qui sont ordinaires, simples. Par exemple, s'il n'y a pas de l'eau, il y a un problème. Ou bien, hein, est-ce que tu as une fois t'es levé et dit que Seigneur, merci pour de l'eau que je bois? Seigneur, merci pour l'eau que je bois, de l'air que je respire. On ne pense pas à ces choses. Très simples, mais très importantes. Très ordinaires. Très communs. Hein? Est-ce que vous comprenez? Les choses qui sont... Oh. Par exemple, lorsque tu prends l'une des choses, c'est par tes parents. Yeah. On ne dit pas merci, on ne remercie pas les parents. Hein? C'est mon droit. Je dis que c'est mon droit. Ou bien, c'est la responsabilité à mes parents. Mais pour moi, c'est mon droit. Yeah. C'est mon droit. Hein? J'ai droit. Mes parents, c'est leur responsabilité. Est-ce que c'est moi qui leur a demandé de me mettre au monde? Tu amènes une malédiction sur toi-même. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà dit ça. C'est pourquoi vous êtes en train de... Vous avez déjà dit ça. C'est pourquoi vous êtes en train de rire là. Alléluia. Yeah. Yeah, les parents, je me rappelle, il y a une année, mon papa m'a donné de l'argent, la scolarité. Et puis c'est tout. Il a dit que c'est tout ce qu'il a. Eh, je l'ai vu comment. Et ma maman a pris des pièces de pain. On a dit pain, pour aller vendre. Me donner. Oh là là. Yeah. Et depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai dit, chaque Noël, elle va porter un nouveau pain. Yeah. Chaque Noël, elle doit avoir, même si je n'achète pas, si je n'ai pas d'argent, au moins, un mètre, au moins. Un mètre. Yeah. Oh, si je n'ai pas d'argent, c'est ce que j'ai dit. Seigneur, aide-moi. que chaque année. Hein? Est-ce que vous comprenez? Yeah. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que les parents passent par beaucoup de choses. Si tu es ici ce matin, tu ne sais pas ce que les sacrifices que les parents ont fait. Yeah. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Il yeah. ne faut pas oublier les parents. Il ne faut pas oublier. Alléluia. Il yeah. ne faut pas oublier les parents. Il ne faut pas oublier papa, maman. La personne qui prend soin de toi. Peut-être que papa, maman n'est pas là. Mais il y a une autre personne. L'oncle ou bien la tante, bien la soeur. Bien le grand frère. Qui prend soin de toi. Il ne faut pas oublier. Alléluia. Certains peut-être un ami. Yeah. Il ne faut pas oublier. Alléluia. Amen. Hein? Prie que le Seigneur te donne un cœur qui reconnaît, qui n'oublie pas, qui n'est pas trompé. Yeah. Qui n'est pas trompé. Hein? Dis que moi je danse bien, c'est pourquoi le Seigneur m'a béni. Moi je chante bien. Moi je suis belle. Je suis beau. Un beau gars, j'ai beaucoup de muscles. C'est pourquoi je ne suis pas malade. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Donc, on va lire le verset, le premier verset là. Un peu. Il dit, vous observerez, mettrez en pratique tous les commandements que je prescris aujourd'hui afin que vous viviez et que vous multipliez, que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert afin de t'humilier et d'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non les commandements. Verset 3. Il t'a fait humilier, t'a fait souffrir de la faim et t'a fait nourrir de la manne que tu ne connaissais pas et qui n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas seulement du pain seulement, ok, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Yeah, le peuple d'Israël sont passés 40 ans dans le désert. Alléluia. Pour faire quoi? Pour t'éprouver, le Seigneur dit quoi? Pour t'éprouver, et pour faire quoi? T'humilier. Et de savoir quelles étaient les dispositions de vos cœurs. Pendant 40 ans. Alléluia. Il y a un trajet qui pouvait faire 40 jours, bien quelques semaines. Ils ont fait 40 ans dans le désert. D'Égypte en Israël, c'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. D'Égypte là. Juste traverser la mer Rouge et puis on est en Israël. Yeah, c'est pas loin. Allez voir la carte, c'est pas loin. Mais ils ont tourné 40 ans. Alléluia. Vous voyez? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Peut prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Il y a beaucoup de choses. Hein? Vous allez lire dans la Bible. Vous allez m'écouter prêcher. Mais vous n'allez pas changer. Ça ne va rien changer dans vos vies. Mais c'est juste par les expériences. Certaines expériences. Yeah. Juste certaines. Pour t'humilier. Le Seigneur dit, si je l'ai, 15 jours, 2 semaines, 3 semaines, soit en Israël, il n'aura pas l'humilité. Beaucoup d'entre vous, vous souffrez maintenant parce que le Seigneur veut que par ses expériences, développer certaines qualités que vous n'avez pas. Yeah. Juste développer. Développer. Parce qu'est-ce que le Seigneur laisse? À quoi est-ce que tu sois comme un enfant? Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup de bénédictions qu'on échappe, ou bien on n'arrive pas à voir, parce qu'on n'a pas l'humilité. On ne peut pas entrer dedans. On ne peut pas l'avoir. On ne peut pas l'avoir. On ne peut pas l'avoir. Alléluia. Certaines leçons. Je vais te parler beaucoup. La fois passée, je parlais avec une soeur. J'ai dit que la voix que tu as prise là, moi je connais la fin. Je connais la fin. La fin n'est pas bonne. Donc maintenant, je te dis maintenant pour éviter cette fin. Mais j'ai acheté quelque chose. Moi je te dis, c'est à toi de prendre ce que je dis. Tu peux décider de prendre ou bien de ne pas prendre. Je ne vais pas te forcer. Certains le temps, tu vas les apprendre par les expériences. Il y a certains d'entre vous, je vous laisse comme ça. Donc, oh, pasteur, ok. Je dis, ok, ça va. Je vais amener la parole de Dieu. Tu vas méditer, tu vas résister sans faute. Je vais amener l'huile, onction. Je vais t'amener à l'évêque. Il va verser l'huile d'onction sur ta tête. Tu ne vas pas changer. C'est juste pas une expérience. Hein? Pas une expérience. Dans ce moment, tu vas, ok, le pasteur, il a dit quelque chose comme ça. La fois passée, là, il a dit. Alléluia. Donc, ici, là, il a dit quoi? Il y a certains mots, si on essaie de voir la signification de l'original, de la langue originale, là, peut-être on va bien comprendre. Verset 3, il a dit, il t'a humilié, il t'a fait faire souffrir, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri, fait faire. Je pense que ce n'est pas fait faire, en fait. Peut-être qu'il a laissé. Parfois, il nous laisse. Alléluia. Il te laisse souffrir. Il te laisse dans la faim. Tu as faim. Tu n'as pas d'argent. Parce que si je prends par exemple Jacques, et j'essaie de lire les versets de l'humilité. Hein? L'humilité. Oh, tu vas dire, pasteur, ça c'est une lecture. Lecture. Yeah? Lecture. Mais lorsque tu passes par certaines expériences, tu vas devenir cool. C'est pourquoi lorsque tu vois les parents, ils sont cool. Oh, mais papa, non, nous sommes là, nous sommes des jeunes. Maintenant, c'est l'informatique. Dis ok, il n'y a pas de problème. Regarde. Expérience. Pas que le gars là, maintenant il est devenu cool. Un jour, l'un de vos papas était arrivé ici. Yeah, je me rappelle, on était là-bas. On a fini le culte là-bas. Il a dit, mon enfant, la vie là, la vie de mon garçon là. Moi aussi, j'ai passé ça. Moi aussi, j'ai fait ça. Hein? Moi, j'ai fait ça. Mais maintenant, je lui parle, mais peut-être qu'il ne coule pas. Mais je pense que peut-être l'Église va l'aider. Il m'a dit ça. La vie, moi, j'ai fait plus que lui. Peut-être que lui, à cet âge-là, à l'Église, moi, je n'étais pas à l'Église. Moi, j'ai fait plus que lui. Mais maintenant, cool. Le papa de quelqu'un ici. Peut-être qu'il est ici ou bien elle est ici. J'ai dit au Seigneur, le Seigneur va aider. Vous voyez, il y a certaines choses, tu peux les apprendre sans les subir. Sans les subir. Tu peux les éviter sans les subir. Tu ne dois pas nécessairement expérimenter certaines choses. Mais lorsque tu es orgueilleux et têtu, là tu vas. Le Seigneur, c'est le seul moyen. C'est pourquoi l'orgueil n'est pas bon. Tu vas les subir. Alléluia. Tu vois l'enfant. L'enfant, tu dis, le feu. Chaque fois qu'il y a light, on peut dire, on met la bougie à la maison. Les enfants vont venir, ils veulent toucher la flamme là. C'est ça, non? Les enfants, mais tu vois ça, ok, ok, bébé, touche un peu. Dis, ok, non, ne touche pas, ça va te. Non, non, papa, là. Je laisse. Fais comme ça. Lorsque ça brûle le doigt, dis, ah, papa, maintenant commence à pleurer. Elle dit, ah, c'est ce que j'avais dit. Yeah. Mais il y a certains jours, tu peux apprendre sans les subir. Yeah. Et puis là, je me rappelle, l'évêque a dit quelque chose un jour. Et beaucoup de pasteurs ici. Lorsque on va quelque part, d'accord, et puis on commence à parler, par exemple les bergers, certains bergers ici sont des pasteurs quelque part. Certains membres ici, tu es membre ici, avec tout ce que tu écoutes ici, tout ce qu'on t'apprend ici. Lorsque tu vas dans une haute église, ou bien quelque part, et puis tu commences à parler, oh, des gens vont commencer à t'appeler pasteur. Yeah? Yeah? Yeah? Parce que on apprend beaucoup de choses ici. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque les gens rencontrent les pasteurs de Lighthouse, on dit, ah, mais toi tu as pris ça où? Tu connais ça d'où? Où est-ce que tu as pris ça? Alléluia. Il y a un pasteur de l'Égypte. Et comment on dit, je pense que c'est Kenya. Il est allé. C'est toi? C'est toi, tu es. Ah, mais où est le pasteur? L'évêque lui-même, il y a un jour, il est arrivé à un programme, on l'a invité de venir prêcher. Il est arrivé. On dit, oh, OK. Il est arrivé, OK, je suis là. On dit, oh, et le pasteur, il vient quand? Il dit, c'est moi, je suis là. Il y a quelqu'un, non, plus de 20 ans maintenant. Yeah, il est très jeune. Beaucoup de choses, vous écoutez ici, ça vous donne la sagesse. Tu ne dois pas expérimenter certaines choses. Juste ce que vous écoutez, si vous le suivez, serez très sage. Très sage. Certains d'entre vous, même le peu que vous avez, lorsque vous arrivez, les parents ne vont pas vous reconnaître. Yeah. Si vous êtes sérieux avec ce que vous écoutez ici, les parents ne vont pas vous reconnaître. La manière dont vous parlez, la manière dont vous analysez les choses, les parents ne vont pas vous reconnaître. C'est vrai, mes enfants. Il y a un frère qui a dit, oh, il a dit, l'oncle a commencé à parler, dit, ah, mais toi, tu ne réagis pas. Ah, mais c'est comme tu as changé, qu'est-ce qui est arrivé à toi? Yeah. Il a changé. Alléluia. Yeah. Mais ce matin, je veux parler de dire merci. Alléluia. Dis merci. Alléluia. Tu ne dois pas subir quelque chose avant de reconnaître, ah, je dois venir dire merci. Que c'était important ce que la personne a dit. Alléluia. C'était dans vous, vous devez dire, vous ne dites merci, vous ne dites pas merci au pasteur. Yeah. Les pasteurs. Alléluia. Yeah. Ou bien les leaders spirituels. Parce qu'on ne vous donne pas quelque chose, comment on dit, palpable, l'argent. On ne donne pas de l'argent. On vient seulement, on part seulement et puis c'est fini. Donc, on ne voit pas la contribution des pasteurs dans ta vie. Donc, on ne reconnaît pas. Yeah. Lorsque tu vas dans ton pays où il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'église, c'est en ce moment que tu vas reconnaître que la petite église qu'on a à Belenkwe là, ça m'aidait beaucoup. Ou bien, yeah. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Donc, l'humilité, certaines qualités vont venir par des expériences. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, les petites choses dans vos vies, les parents, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les expériences. C'est pourquoi la Bible dit, remerciez le Seigneur dans toutes choses. Les expériences vous aident. Je me rappelle la collègue, lorsque le gouvernement était contre Lighthouse. Est-ce que vous connaissez, vous savez ça? Est-ce que qui ne savait pas que le gouvernement était contre l'église? Ah, vous êtes des nouveaux. Hein? Le gouvernement, il est venu briser le mur de l'église. Un dimanche matin, on est arrivé à l'église, on a brisé tout le mur. Et la communauté était contre l'église. Hein? La communauté était contre l'église. On a construit des, quoi là, les toilettes, on l'appelle toilettes. ces toilettes. On a construit des toilettes. Hein? Pour la communauté. Oh, ça n'a pas changé leur avis. Alléluia. Mais chaque fois, l'évêque dit quelque chose. Cette expérience l'a vraiment aidé. Il dit, Seigneur, merci pour cette expérience-là. Que le gouvernement et toute la communauté étaient contre lui. Et étaient contre l'Église. Yeah! Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah! C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez dit, Kodesh, Kodesh. C'est à cause de la persécution de le collègue, non, la persécution de, l'église, de la communauté et de du gouvernement. C'est ça qui a fait qu'on est à Kodesh. Est-ce que vous voyez? Yeah. Et là, l'évêque dit chaque fois que ça, il a appris beaucoup de choses par ces expériences-là. Beaucoup de choses. Donc, lorsque tu traverses une expérience, dis merci. Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que le Seigneur veut faire dans ma vie? Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'habit. Hein? J'ai un seul habit. Dis merci à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Des expériences bizarres. Dans ta hostel, à l'école. Un peu partout. Alléluia. La fois passée, Brunet disait à l'école, le directeur, des trucs comme ça. Oh, relax. Tu lui dis relax. Tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de faire. Yeah. Elle veut être au pays au jour de Noël. Mais elle est ici. Elle se lève chaque matin. Je suis triste. J'ai dit, ah! Au lieu de te réjouir, tu dis, tu n'es pas content que tu es ici avec le pasteur. Oh! J'ai dit, ah! Tu ne sais pas pourquoi tu es toujours ici. Hi! Certains d'entre vous devaient être en France. Ou bien au Canada. Mais c'est contre, c'est comme les gens d'Amazon là. Le jour ils ont vu ton visage là. On dit que pas de visa. Visa à tout le monde sauf toi. Yeah. La fois passée, Daniel a dit, tout est prêt. On a tout fait pour l'Afrique du Sud. Mais un jour, papa s'est levé et dit Accra. Papa s'est levé et dit Accra. Et regarde, moi, je suis béni ici, Accra. Yeah. Les expériences là, vous ne savez pas pourquoi. Yeah. Yeah. Il y a un couple qui sont allés, qui ont voyagé, qui sont allés à l'étranger. Et puis ils ont divorcé. Et un jour, l'évêque parlait avec la femme. Il dit que c'est, si tu es resté au Ghana, même le mot divorce là, n'allait pas traverser tes oreilles. Yeah. Yeah. Il y a un gars qui a voyagé. Il est revenu homosexuel. Il a dit que si tu n'as pas voyagé, Paul a dit, j'ai prié trois fois. Le Seigneur. Parfois, lorsque tu pries trois fois par rapport au sujet, le Seigneur n'a rien fait. Ne fais rien, il faut laisser. Pourquoi tu veux forcer le Seigneur? Le Seigneur, ok, je te laisse. Yeah. Parfois, tu pries trois fois. Au moins, c'est biblique. Paul a fait ça, donc c'est biblique. Trois fois. Par rapport à un sujet. Et le Seigneur ne change pas la situation. Commence à remercier le Seigneur. Yeah. Parfois, tu vois une jeune fille. Oh, le garçon dit que je ne t'aime plus. Je dis, remercie le Seigneur. Sinon, le Seigneur te délivre de quelque chose. Tu ne sais pas. Dis merci. Dis merci. Yeah. Et merci. Tu veux forcer Dieu? Il va te laisser, tu vas voir. Alléluia. Est-ce que est-ce que le Seigneur vous aide ce matin à avoir un cœur reconnaissant? Merci. Merci. Ne change pas. Merci. Ne change pas la situation. Alléluia. Ne force pas le Seigneur de changer la situation. Dans toutes choses, dites merci. Toutes choses, les petites choses, les parents. Alléluia. Tu es à l'école, dis merci. Tu es en train de souffrir aujourd'hui, tu n'as rien. Jour de Noël, les gens sont en train de. On a mangé, on a. Et puis toi, tu as faim. Dis merci. Yeah. Merci. Alléluia. C'est temporaire. Chaque fois, je dis que c'est temporaire. Ça va passer. Tu vas oublier. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Aujourd'hui, je suis ici. C'est comme j'ai oublié toutes les souffrances. Yeah. Si tu me vois ici, tu me vois que le gars là, il est béni. Il est né comme ça. Je ne suis pas né comme ça. Yeah. La souffrance. La souffrance. Yeah. Hier, ma femme parlait de quelqu'un qui disait, elle a souffert, elle a souffert. J'ai dit, c'est comme c'est elle seule qui a souffert. Nous aussi, on a souffert. C'est comme ça. Ou bien, je l'ai demandé, je l'ai rappelé, tu as oublié? Toi aussi, tu as. Donc, elle parlait d'une dame là, elle dit que la dame dit qu'elle a souffert et puis aujourd'hui, elle est bénie, elle a une école et tout ça là. Et chaque fois, c'est pas la première fois qu'elle m'a parlé de cette dame. Donc, hier, j'ai dit, mais la femme là, c'est comme c'est elle qui a dit, mais moi aussi, j'ai. Tout le monde a traversé une souffrance ou bien, qui n'a pas souffert ici, qui n'a pas eu la souffrance ici? Tout le monde a eu certaines souffrances, c'est seulement les souffrances sont différentes ou bien? Ta souffrance est différente de ma souffrance. Alléluia. Amen. Que le Seigneur aide à avoir un cœur reconnaissant. Le Seigneur est en train de faire un travail dans ta vie. Par les expériences, par les souffrances, par les bonnes choses. Il dit que lorsque le Seigneur te bénit aussi, c'est la même chose. Lorsque c'est dans la souffrance, n'oublie pas le Seigneur. Et dans la bénédiction, dans l'abondance, n'oublie pas le Seigneur. Lorsque il dit que tu vas en abondance de miel, il y aura de miel, il y aura l'olivier, il y a des maisons. Alléluia. Vous tous, vous allez maintenant, vous êtes en train de souffrir. Un jour, tu vas avoir une voiture climatisée. Une maison climatisée. Aujourd'hui, ta chambre, c'est comme c'est là où on fait le pain. C'est chaud, même dans la matin, c'est chaud. Dans la matin, c'est chaud, ça se chauffe. C'est pas facile. Hein? Aujourd'hui, c'est comme vous êtes 3-4 dans la chambre. Mais un jour, ça va changer. Hein? N'oublie pas le Seigneur. Il a dit, n'oublie pas. Garde ton cœur de ne pas oublier. Garde ton cœur de ne pas oublier le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie ce matin. Alors que nous terminons l'année et nous commençons une nouvelle année. Tu auras un cœur qui reconnaît toutes les toutes petites bénédictions que tu as. Tu te lèves sur ton lit, tu es assis sur ton lit, tu reconnais que c'est une bénédiction. Yeah. Tu arrives à faire un pas, deux pas, c'est une bénédiction. Tu arrives à avoir de l'eau à boire. Certains boivent de l'eau, bien mangent et puis c'est l'hôpital. Tu manges quelque chose et puis maintenant c'est un couteau qu'on met sur ton ventre parce que tu as mangé quelque chose qui n'est pas bon. Mais reconnais chaque chose. Tu arrives à t'asseoir, dis merci. Ce sont des choses qu'on ne reconnaît même pas. Tu t'assois, les gens n'arrivent pas à s'asseoir, ils s'allongent sur le lit, ils n'arrivent pas à s'asseoir. Tu te lèves, tu peux marcher, tu peux faire des petites bénédictions ce matin. Que le Seigneur te donne un cœur reconnaissant. Pouvoir reconnaître ce que le Seigneur fait dans ta vie. Au nom de Jésus, lève-toi et puis dis merci. Dis merci pour ces petites choses. Ces petites choses. Tu as un don. Tu arrives à chanter. tu arrives à danser, tu arrives à jouer un instrument, tu arrives à parler. Tu peux parler à quelqu'un pour la personne dans sa vie à Dieu. Dis merci pour ce don que tu as. Dis merci ce matin, reconnais. Dis merci pour tes parents. Dis merci pour la personne qui t'envoie chaque mois, qui t'envoie de l'argent pour te supporter. Dis merci ce matin au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci. Ta maman a pris soin de toi. T'as pris soin. T'as pris soin de toi. Ton papa, dis merci. Dis merci. Dis merci. Peut-être que ce n'est pas la manière dont tu... Ce n'est pas la bonne manière. Ce n'est pas ce que tu voulais. Je voulais que ce soit meilleur. Mais le peu, dis merci pour le peu. Seigneur, merci ce matin. Donne-nous un cœur reconnaissant. Un cœur qui reconnaît, qui voit les petites bénédictions. Qui voit les moindres choses que tu es en train de faire pour nous, Seigneur. Merci pour cette église, Seigneur. Abelengbe. Oh, Abelengbe. Merci. Merci. Tu nous as bénis dans cet endroit. Tu nous as bénis. Nous te disons merci. Merci pour nos pasteurs. Merci pour l'évêque. Merci pour les livres, les messages. Merci, Seigneur, pour la sagesse, les conseils, les petits conseils. Merci pour Yves Simone. Merci pour Abby, Daniel. Merci pour les bergers. Merci pour les membres. Seigneur, merci pour les évêques de cette église. Seigneur, merci. Merci. Merci pour nos enfants. Merci, Seigneur, pour nos frères, nos sœurs. Oh, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci pour l'eau. Merci pour l'eau. Merci pour la chambre. Merci. Merci. Merci. Ce n'est pas tout le monde qui a une maison. Toi, tu as une maison. Oh, Seigneur, merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Dis merci ce matin. Dis merci ce matin. Dis merci ce matin. Dis merci. Remercie le Seigneur. Lorsque tu commences à remercier le Seigneur, l'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu vient. Parce qu'il dit, entre dans mes parvis. Oh, avec reconnaissance, avec reconnaissance, Seigneur. Oh, les bros, c'est les bas, calamambro. Yé, que les bros, c'est les bébés. Le Saint-Esprit est là. Alors que tu reconnais ce qu'il fait dans ta vie. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te disons merci. Merci. Merci pour l'ami là, qui est toujours là pour me dire un mot d'encouragement. Oh, Seigneur, merci pour l'ami là. Pour l'ami, pour l'ami. Merci pour le gars là. Merci pour la fille là. Oh, qui est là toujours pour moi. Oh, Seigneur, pour m'aider, pour m'encourager, Seigneur, je te dis merci. Merci ce matin. Seigneur, Seigneur, aujourd'hui c'est le dernier dimanche. Et nous te disons, pour ce dernier dimanche, tu as pris soin de nous chaque dimanche de janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous te disons merci au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, nous sommes reconnaissants. Nos cœurs sont remplis de joie. Nos cœurs sont remplis de joie et des mots, des paroles de reconnaissance. Seigneur, on n'a même pas de mots pour décrire. Combien de fois nous reconnaissons? Combien de fois nous voulons te dire merci, Seigneur? Oh, on n'a même pas de mots. Les dictionnaires, les mots dans les dictionnaires ne suffisent même pas pour te dire merci, Seigneur. Seigneur, merci. Merci. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur pour ses cris. Oh, Seigneur. Oh Seigneur, oh à toi appartient la gloire, la gloire, la gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Avant de s'asseoir, tu veux fermer les yeux, avant de s'asseoir, voulons prier avec toi. Tu es là, tu ne connais pas le Seigneur, tu n'as pas une relation avec lui. Mais ce matin, tu es là, peut-être que c'est ta première fois, bien, tu es là déjà. Tu venais depuis, mais tu n'as pas pris une décision de dire merci. De dire, Seigneur, je veux te servir. Je veux te donner mon cœur et ma vie. Tu n'as jamais fait ça. Mais ce matin, tu veux dire, c'est le dernier dimanche. Tu veux dire, Seigneur, je ne veux pas entrer dans la nouvelle année 2016 sans t'avoir donné ma vie. Ce matin, les yeux fermés, tout le monde. Tu es là, tu veux donner ta vie à Dieu. Lève la main. C'est le dernier dimanche. tu ne veux pas entrer dans la nouvelle année avec la vie ancienne. Tu veux entrer avec une nouvelle vie. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main et donner ta vie à Dieu? Tu veux donner ta vie à Dieu ce matin. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Tu es là. Tu es là. Tu veux dire, Seigneur, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux être né de nouveau. Seigneur, je veux que tu pardonnes mes péchés. Seigneur, je veux vivre une nouvelle vie en toi et pour toi. Seigneur, si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Lève la main. On va prier avant de partir. Avant de partir, Seigneur. Est-ce que tu as levé, quelqu'un a levé la main? Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir? Tu as levé la main, je ne vois pas. Quelqu'un a levé la main? Quelqu'un a levé la main? Personne. Seigneur, merci ce matin. Te disons merci. Nous reconnaissons ce que tu as fait dans nos vies. On ne va pas oublier, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je prie pour chacun ici. Que nos cœurs n'oublient pas. Garde nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à garder nos cœurs. Qu'on n'oublie pas. Crée en nous un nouveau cœur qui reconnaît ce que tu as fait. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Venez vous asseoir, s'il vous plaît.